3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est le rendez-vous hebdomadaire de KNF TV. Aujourd'hui, je suis accompagné de Choubix le Gaulois, notre ami Seb. Tu vas bien, Choubix ? Salut, Joanie, salut tous. Ouais, ça va nickel. Et toi ? Bah écoute, les semaines se suivent et j'ai un peu l'impression qu'elles se ressemblent. Voilà, on enregistre lundi, on a eu un match dimanche soir, c'était pas joli, mais bon, on va en parler, c'est la vie des Knicks. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Allez, c'est on parti. On attaque la rétrospective de la semaine passée. Hop, alors, hop, des petits effets de transition un peu compliqués, mais oui, je le disais, bah, les semaines se suivent et ont tendance à se ressembler. Bah, pour preuve, dimanche qui était juste avant, hein, dimanche dernier, on avait une KNF Viewing Party, la deuxième de la saison, une sorte du back-to-back de la Viewing Party, deux dimanches d'affilée. C'est toujours sympa de passer des moments entre adhérents, j'avoue que je pouvais pas m'y rendre sur cet événement-ci. Il y avait quelques irréductibles Knicks fans qui étaient réunis, ils ont passé un bon moment, même si, bah voilà, les Knicks, eux, n'ont pas aidé à passer un bon moment, encore une fois. Bon, après la défaite un peu compliquée, un peu embarrassante, très embarrassante, face au KC Thunder, là, c'était les Phoenix Suns, on va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur ce match, donc un adversaire quand même d'un level un petit peu au-dessus. Donc bon, la défaite, voilà, on sait vivre avec des défaites quand on est fan des Knicks, n'est-ce pas, Seb? On sait. C'est ça, on alterne victoire, défaite, victoire. Donc bon, ben c'est la vie qu'on a choisi de mener. Hein. Si on voulait vivre que des victoires, on irait supporter un coup les Warriors, un coup, je sais pas, le Utah Jazz par exemple. Waouh. Le Boston Celtics, pourquoi pas. Non, mais voilà, en tout cas, voilà, fan des Knicks, c'est aussi supporter l'équipe quand ça marche pas. Et alors, bien sûr, faut pas lâcher. Cette semaine, elle s'est terminée avec une viewing party, avec un match en prime time un dimanche soir, mais elle avait commencé dans une atmosphère, une ambiance un peu bizarre. On sortait d'un gros blowout dégoûtant, dégueulasse, comme vous voulez, face au Kelsey Center, on vient d'en reparler. Et puis du coup, bah, les joueurs se sont pris en main. Les joueurs, par l'initiative, semble-t-il, de Julius Randle, ont décidé de faire non pas un player meeting only, mais un diner meeting. Diner player only. Pas le coach, pas le coaching staff, pas le front office, pas les agents. Bon, on n'était pas vraiment dans les secrets de ce meeting. Il y a eu des petites informations confuitées vite fait. Enfin voilà, on nous a dit que c'était Julius qui était à l'initiative de tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il fallait ce déclic après cette débâcle, je serais tenté de dire, face au Kelsey Thunder? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est le petit événement qui peut resolidariser une équipe, qui peut ressouder les gars avant d'entaquer un road trip de 5 matchs, dont 4 cette semaine, à l'Ouest? Est-ce que c'était une bonne idée? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? Bon, c'est pas une mauvaise initiative. On va pas lui jeter la... Si c'est en effet l'initiative de Julius, on va pas lui jeter la pierre de vouloir réunir l'équipe, se ressouder après ce match contre Oklahoma qui était vraiment scandaleux. C'est plutôt bien d'essayer de se remettre ensemble. On l'a assez reproché l'année dernière à Julius d'être perso, d'être égoïste, de penser qu'à lui. De se mettre à l'écart de ses coéquipiers à différents moments. Donc là, limite, ça va dans le bon sens. Moi, ça m'a pas choqué. Enfin, ça m'a pas choqué. J'ai pas trouvé matière en fait à polémiquer. Exactement. Non, je trouvais ça très bien de sa part. Et puis il y a eu un petit déclic. Donc bon, c'est. Aussi bref soit-il, il y a eu quand même un petit déclic, donc. On prend, on prend, on prend. Je pense que les joueurs ont pu se dire des choses, en bien, en mal. C'est toujours le moment de libérer un peu la parole. On sait que la NBA, c'est pas le foot. Il n'y a pas de mise au vert en temps normal sur les matchs à domicile, en tout cas. Donc là, le road trip, c'était l'occasion de réunir les joueurs, de se parler, peut-être de se ressouder, de se dire les choses. Et puis, on a vu aussi qu'il y a eu quelques ajustements au niveau coaching staff sur les rotations, sur la gestion de l'équipe. On va en y revenir. Mais voilà, en tout cas, c'était l'événement off-court de la semaine et qui a été suivi de quelques effets. Donc, tant mieux, tant mieux. Autre petite information hein, qui était un peu passée au travers de l'actualité d'Enix, qui est toujours riche. Eh bien, cette saison, après la saison dernière où Julius avait décidé pour chaque 3 points marqués de verser jusqu'à 500 $ à une association caritative, à une association vis-à-vis de l'école et de la fondation de Earl the Pearl Monroe, cette saison, les Knicks ont changé. Au revoir le 3 points, en même temps, c'est pas évident d'en mettre. Plutôt, on va se reconcentrer sur les lancers francs et voilà, de verser une petite dotation pour une association à destination des enfants. Sur les lancers francs, c'est bien parce que ça concerne tout le monde. Des joueurs comme Mitch Robinson, qui était, on va dire, un peu exclu de cette histoire de 3 points, bah, se retrouve à être considéré et impliqué dans cette petite œuvre, dans ce petit geste. Donc voilà, donc c'est, il y a toujours un petit peu de caritatif. On donne pour la communauté, c'est important. Là, le faire sous l'angle des lancers francs, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y en aura plus de tirés cette saison et on espère qu'il y en aura plus de marqués. Oui, Bon, voilà, ça c'était. et puis au niveau du 3 points, faut pas. Disons que cette saison, c'est un peu dans le dur. Je pense que l'association, ils ont gagné 1 000 $ depuis le Ouais, début de donc la saison. Donc, du coup, on va c'est essayer plus de. safe. C'est plus safe des lancers francs. On va prendre des shoots à haut pourcentage normalement. Allez, autrement, il y a des joueurs qu'on fait parler d'eux cette semaine. Hein, on débriefe un petit peu le off-court. Evan Fournier qui s'est un peu livré. Evan Fournier, on en a parlé rapidement. On a évoqué le fait que après ce diner meet player only, waouh, j'ai du mal à le dire, le Pas évident dîner en presque fait. C'est parfait de Julius. pas évident aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. D'habitude, c'est un player meeting only. Là, c'est un diner player only. Voilà. On a mangé, on a bu. Bah, j'espère que Evan a bien mangé, bien bu sur cette sortie parce qu'il n'a pas tellement joué. Hein. Il joue plus. Il est Je out peux. of the rotation. Voilà, très Tom bien. Thibodeau n'a pas forcément ajusté son 5 sur les premiers matchs parce qu'il y avait encore des absences. Mitchell Robinson, Quentin Grimes qui étaient sur le retour. Mais c'est surtout Evan Fournier qui est maintenant au bout du bout du bout du bout du bout du banc. Ouais, Voilà. On terminé. ne l'a pas revu jouer de la saison. Ouh. Lapsus, on l'a pas revu jouer de la semaine avec les Knicks. On Non. l'a vu en survêt, on l'a vu s'échauffer. Il s'est un petit peu exprimé par presse interposée en disant que voilà, il était patient, qu'il pouvait pas agir sur la situation, que c'était une décision du coach, qu'il avait rien contre le coach en soi, qui essaye de trouver des solutions pour faire gagner l'équipe. Jusque-là, c'est une attitude très très pro, très très collectif. L'équipe avant tout. Ça fait un peu penser à la mise à l'écart de Kemba Walker la saison dernière. Où au début, Kemba était encore avec ses coéquipiers, à essayer de les soutenir, à montrer que voilà, ça pouvait arriver dans une saison, 82 matchs, c'est long. Il ne se démobilise pas, mais il est aussi lucide. Il va patienter. Hein, il s'est confié également vis-à-vis des journalistes de basket USA, si je dis pas de Moi, c'est bêtises. ça aussi. Donc une interview que vous pouvez retrouver où il évoque différents sujets, forcément sa situation aux Knicks, la situation des jeunes. Joueur basketteur NBA français. D'ailleurs, Timothée Luwawu Cabarrot a décidé, lui, de revenir plutôt en Europe. Donc voilà, donc on La Italie, espère ouais. que à Milan, tout à fait, ouais. On espère que Evan va trouver une solution à sa situation. En tout cas, c'est une situation très compliquée qui fait beaucoup parler de ce côté-ci de l'Hexagone, parce que forcément, c'est le capitaine des Bleus. Forcément, Evan, on l'aime bien, on l'adore, certains le détestent, mais bon, voilà. Et du coup, sa situation, elle suscite beaucoup d'interrogations, hein, des fois un peu trop sous le prisme tricolore. Nous, on suit les Knicks, peu importe leur nationalité, la couleur de leur passeport, la couleur de leur maillot. De leur maillot en sélection. Effectivement, ça nous fait de la peine, mais ça arrive en NBA que des joueurs soient mis à l'écart par moment. Espérons pour lui qu'il trouve une porte de sortie en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais évoquer? Est-ce que tu voulais ajouter des choses par rapport à Evan sur Ouais, cette après, situation? c'était plus ou moins attendu. Je veux dire, il y avait eu un débat qui avait été chez First Team là-dessus. Et justement, je ne sais plus qui en parlait. Je crois que c'était Erwan, pas Erwan, je crois que c'était Thomas qui disait que peut-être il fallait qu'il parle dans la presse. Et quand c'est sorti, en fait, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Alors oui, il a eu une attitude très digne en disant que bon, il n'était pas d'accord avec le fait de ne plus jouer, forcément. Hein, donc quelque part, Forcément, c'était. Voilà. n'importe quel joueur a envie de jouer. Hein. C'était attendu. C'est vrai que il a un petit peu c'était un petit peu pas la tête de Turc des supporters américains, mais presque. Je veux dire, aux Oui. États-Unis, il est très mal vu. En France, on a l'impression que c'est le bouc émissaire des mots, des nicks de Thibodeau. Bon, voilà. Après lui, c'est son choix. Je pense que maintenant, bon, je pense que si personne. Si personne avait compris, maintenant tout le monde a pigé que c'est terminé pour Evan Onyx. Une année et puis s'en va. Quel va être maintenant son futur? Je pense que maintenant, je pense que Léon Rose est en coulisses et va essayer de nous cuisiner quelque chose, enfin s'il y arrive, pour lui trouver une porte de sortie dans une équipe où ben, on sera gagnant parce qu'actuellement il a quand même un contrat à 17 ou 18 millions la saison. Encore l'année prochaine, garantie. Puis la dernière année, donc là donc c'est à 2022-23, c'est celle-ci. La La 2023-24, prochaine est sur option, enfin en tout cas voilà. voilà, il reste encore un peu de dollars à payer quand même sur ce La contrat. 2023, la 2022-23 est enfin 23-24 est encore garantie et c'est 24-25 qui est en option. Donc voilà quoi, il est quasiment avec pour l'instant avec 2 ans pleins. Donc il va falloir trouver aussi une équipe qui accepte ça. Voilà, la situation d'Evan est compliquée quoi. La situation d'Evan est compliquée, alors là il joue plus, c'est vrai que jouer des miettes de match. Même pas. Jouer en sortie de banc, jouer en garbage time, c'est pas forcément ce qui va le mettre en avant à son avantage. L'important c'est qu'il reste prêt physiquement pour, on ne sait pas si jamais Tom Thibodeau le réappelle, qu'il puisse montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours prêt à répondre présent, ou qu'une autre équipe fasse appel à lui. Alors après, faut pas se voiler la face, ça va pas se bousculer comme ça tout de suite en ce début de saison, parce qu'il y a à peine une vingtaine de matchs joués. On est encore relativement loin de la trade deadline, qui aura lieu en février, donc il va se passer quand même pas mal de temps. Donc ça fait mal au cœur vis-à-vis d'Evan, parce que c'est un joueur, voilà, qui... Un bon joueur qui peut apporter des choses. Oui, il a des lacunes défensivement, hein, ça on le savait. Il a su réinventer son rôle en tant que plutôt shooter only. Donc c'est un 3D sans le côté D. Donc là, forcément, Un sweet. tu avais fait un papier, tu avais fait un papier sur le blog de l'association qui expliquait que justement c'est plutôt ses coéquipiers qui lui sont passés devant dans la rotation par rapport à sa défense. Et malheureusement, les premiers matchs ont donné raison plutôt à Tom Thibodeau. Donc il ronge son frein, il prend son mal en patience. Il fait pas de déclaration de vagues énormes dans la presse. Mais c'est vrai qu'ici, côté français, certains fans s'étonnent de ne pas le voir jouer. Mais pourquoi on ne le sort pas? Pourquoi on ne le fait pas jouer? Bah voilà, c'est une réalité malheureusement. La NBA, c'est un business. La NBA, il y a beaucoup de joueurs. Il y a des effectifs denses. Il y a des coachs qui ont des principes. Tom Thibodeau a clairement donné sa chance à Evan, en ce début de saison notamment, là où beaucoup réclamaient plutôt du Grimes ou du Cam Reddish. Et malheureusement, les premiers matchs ont plutôt donné raison à Tom Thibodeau. Donc on lui souhaite de trouver une porte de sortie, mais ça n'a Mais pas été évident, évident, quoi. si je peux C'est rajouter un un truc. joueur qui pourra être utile dans une rotation, mais on sent qu'il y a trop de joueurs arrière. Côté Knicks, et il y a des choix à faire, et choisir c'est renoncer, et malheureusement aujourd'hui c'est Evan qu'en paye les pots Mais cassés. si je peux rajouter un truc, tu disais qu'encore la saison est longue et compagnie, c'est un peu ce qu'on disait l'année dernière pour Kemba, quand il s'est fait virer. Il y a eu des blessés, il est retourné dans la rotation, beaucoup de gens, ah, peut-être le retour. Dans la tête de Thibodeau, c'était clair. Quand j'ai mon effectif au complet, il ne joue pas. Et je pense que si là, on a une batterie de blessés, s'il revient, je me demande quand même si dans sa tête, parce que c'est, comme tu disais, c'est un homme de principe, c'est un homme d'idées. Et je me demande quand même que même si après des blessés, si l'effectif revient au complet, si il ressort pas de la rotation. Je pense que dans la tête de Thibodeau, un Cam Reddish a fait beaucoup de mal dans les minutes d'Evan. Et hier le match, on en reparlera de Grimes, a fait beaucoup de mal au milieu d'Evan. Ouais. Donc, je pense que dans la tête maintenant du coach, je pense que On c'est savait clair maintenant. que, on savait en plus qu'il y avait des choix par rapport à justement des joueurs à prolonger ou pas. Cam Reddish en est le bon exemple. Donc malheureusement, Evan paye cette concurrence. On a vu qu'en sortie de banc, c'était pas forcément le mettre à son avantage par rapport justement aux joueurs avec lesquels il cohabitait. Donc est-ce que c'est starter ou rien du tout? C'est très moche de dire ça comme ça, mais malheureusement, dans l'esprit de Tom C'est Thibodeau, c'est ça, ça c'est ça. aujourd'hui. Ah ouais. Et il a besoin d'apporter plus de défense que d'attaque. On sait qu'on a des sérieux problèmes en défense, bon, en attaque aussi, mais il y a d'autres joueurs qui sont en capacité de prendre des shoots à 3 points. Donc voilà, c'est un côté un peu trop unidimensionnel d'Evan. Qui le met au placard aujourd'hui. Bon, on va pas faire toute une émission sur Evan. On espère pour lui qu'il trouvera un bon de sortie et qu'il saura rebondir pour le bien d'Evan et pour le bien de l'équipe. Sinon, il y a un autre joueur qui est un petit peu en galère. Je pense qu'on viendra en parler plus longuement aussi à une autre occasion et qui a eu l'occasion de s'exprimer un petit peu aussi dans la presse. C'est RJ Barrett. Alors, RJ Barrett, début de saison très très très compliqué, Très des compliqué. pourcentages très très mauvais. Oh. Et voilà, RJ avait pour le coup la bonne formule, au moins il avait les bons mots. Il disait que voilà, quand on gagne, on est des super-héros. Quand on perd, on est des moins que rien. Dans cette semaine et la semaine passée, c'est un peu ça. À la sortie des victoires, on reprend de l'espoir. Dès qu'il y a les défaites, ça y est, on voit tout noir et il faut trader tout le monde. Il faut tout casser. Il faut partir en mode tanking. RJ a les bons mots. Est-ce que RJ a la solution à ces difficultés? C'est pas le cas. Là où un autre joueur, plutôt lui, montre de belles choses, c'est Jalen Brunson. Tellement il montre de belles choses que NBA 2K, oui, a réévalué sa note à la Oui. hausse. Donc on n'a pas encore une info sur une note à la baisse de RJ Barrett, mais essayez de surveiller ça parce que je pense que ça peut faire des updates un petit peu dans tous les sens sur la réalité virtuelle de la simulation de basket par excellence, NBA 2K. Voilà, petit placement de produit. Si NBA 2K, vous nous entendez, envoyez-nous des cadeaux, on les fera gagner. Voilà. Non, mais après tu faisais référence à RJ. Ouais, RJ en ce moment est clairement dans le dur, quoi. Je veux dire, Clairement dans le dur. c'est assez il a pas le tranchant qu'on lui connaît. Il a pas La le enfin, je réussite. sais, il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait l'année dernière. Genre des pénétrations où il terminait un petit peu de façon acrobatique, ça rentre plus. Le tir à 3 points, ça rentre plus. Mais cependant, quand on regarde au bout de 17 matchs, au bout de 17 matchs l'année dernière, il était à 15 points. Alors là, il est à 18 points. Il était à 30%, il était à 30% de réussite à 3. Là, cette année, il est à 25. Et il était à quasiment 40% de réussite au tir, à 38, à 38. Et là, cette année, il est à 39 au bout de 17 matchs. Mais disons que donc c'est donc C'est un peu du pareil au même, on a toujours des débuts de il n'y a pas saison d'évolution. très plutôt timides, on va dire, et il n'arrive pas à rentrer Ouais, mais directement dedans. Donc... il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution dans son jeu, mais surtout ce qui est dramatique, c'est surtout en fait je les ai notés, c'est surtout ces 5 derniers matchs, quoi. Ces 5 derniers matchs, c'est 2 sur 10 contre le Thunder à 0 sur 2 à 3, 5 sur 18 contre le Jazz à 0 sur 5 à 3, 4 sur 18 contre les Nuggets à 0 sur 9 à 3, J'ai mes oreilles qui saignent. 6. Arrête, arrête. C'est. Et Tu vas c'est. mettre tous les fans de RJ Barrett, tous ceux qui Et c'est mettaient de pour gros espoirs en lui, en PLS. 12 points. C'est pour 12,6 points de moyenne, quoi, sur les 5 derniers matchs. Là, il faut qu'il se reprenne, les garçons, parce qu'on a énormément besoin de lui. Et pour l'instant, on n'a que Jalen Brunson, entre guillemets, qui fait le taf. Julius, bon, on en reparlera, mais voilà, c'est comme les vagues. Il y a du haut et du bas. Mais lui, on a besoin de lui. Et en fait, ben, les saisons se suivent et se ressemblent pour RJ. Et moi, je me demande s'il a les épaules pour supporter une franchise. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais parce que Julius, il prend de la place. Mais quand il se retrouve dans un 5 avec Quickly, avec Obi, avec Jalen Brunson, avec Sims dans la raquette ou Hartenstein, je veux dire, il n'y a pas là Julius. Et c'est lui qui doit prendre. Et il reste quand même effacé. Il joue au périmètre. Tu le vois, il joue au périmètre, il se démarque un petit peu, il se recentre au niveau de la ligne à 3 ou pour recevoir un ballon pour pouvoir pénétrer. Mais C'est pas lui qui prend le jeu en main. Et donc, je pense pas qu'en fait, Julius soit le responsable de son niveau de jeu. Je pense qu'à un moment donné, elle actuellement, il n'est pas bien. Est-ce que c'est un contre-coup du trade raté de Donovan Mitchell qui lui a fait mal au moral parce qu'il s'est dit, merde, la franchise voulait m'échanger. Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit Julius qui soit le problème dans cette histoire. Je pense que c'est mental. Et actuellement, il n'y est pas, il rate des trucs. Moi, ça me rend fou, quoi. Effectivement, c'est mental. On reproche aussi beaucoup de choses à Tom Thibodeau. Bon, voilà, on trouve toujours des éléments de critique sur les Knicks et c'est normal. Mais il y a effectivement des shoots ouverts que RJ n'arrive pas à rentrer. Alors on sait que l'adresse, c'est souvent au mental que ça se joue. Je l'ai dit, on va pas faire une émission sur RJ, même si forcément il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Un autre joueur sur lequel tout de même. Avant de t'attaquer le débrief de la semaine passée, je voulais revenir rapidement. C'est Cam Reddish. Cam Reddish qui montre de belles choses ces derniers temps. Limite, on préfère voir Cam Reddish sur le terrain que RJ Barrett. Les deux Dukies, finalement, il y en a un qui est en train de prendre, avec des stats tout de même dans un ton en dessous, hein, une utilisation Oui, plus faible. Mais on trouve une aisance en balle en main. On trouve forcément de la défense. On trouve de la mobilité. On trouve même du shoot à 3 points chez Cam Reddish en ce moment. Donc un Cam qui est plutôt en confiance, donc c'est très bien. Il avait gagné cette place de starter vis-à-vis d'Evan Fournier. Malheureusement, il s'est blessé là sur le match contre les Warriors. Donc ça n'a pas aidé, non seulement dans le match contre les Warriors, mais ensuite dans le déplacement à Phoenix. Mais voilà, un Cam Reddish qui est en train de revoir les avis des uns des autres, n'est-ce pas Seb, Ah non, mais... sur son utilisation et son utilité dans un effectif. C'est pas une Alors, première option, mais en joueur de complément, c'est plutôt très très bien dans ce qu'on a pu alors voir sur ce dernier match. exactement. Alors moi, je revois pas vraiment ma copie là-dessus, parce que en effet, Pas ça, encore, pas encore. non, mais en effet, c'est un super défenseur. Il amène quelque chose qu'on n'a pas, c'est-à-dire bah, déjà de la mobilité et de l'athlétisme. C'est un mec costaud, c'est un mec long. Enfin, je veux dire, en effet, il a quelque chose. Au niveau, malheureusement, de l'attaque, il est trop inconstant. Je veux dire, il va y avoir. En fait, il faut que l'équipe soit au rendez-vous des Reddish Games. Tu vois? Que quand, en fait, on voit que Cam commence à entrer deux, trois tirs, tu sais qu'il va être dedans. Là, il faut que l'équipe soit au rendez-vous. Parce que bon, pour l'instant, il alterne encore trop le haut et le bas en attaque. C'est très inconstant en attaque. Une chose est sûre, c'est qu'en défense, par contre, ça amène, ça défend bien. Non, il est précieux en défense. Il a su gagner. Je pense que ça a dû plaire à Thibodeau. Il a su gagner ses minutes. Tu vois, lui, par exemple, sur ses 5 derniers matchs, mais voilà quoi. Sur ses 5 derniers matchs, il tourne quasiment comme RJ, à 12 points par match, à 44% au tir, à 22% à 3 points comme RJ. Mais disons que sa défense est supérieure. Voilà quoi. Je comprends que au point de vue au niveau du cœur des fans, il est pris le lead. Après, attendons de voir. Même hein, Cam Reddish, Ouais. voilà, c'est haut, c'est up and down. On Ce verra. qu'on attend chez lui, c'est aussi ce qu'on attend côté RJ Barrett, c'est de la régularité. Malheureusement, ses saisons sont souvent marquées de blessures. Alors bon, voilà, quand il prend des contacts, que veux-tu? Ça peut mal finir. Mais voilà, en tout cas, on va attendre de la régularité, de la constance de sa part. Oui, comme tu l'as dit, dans son jeu offensif, il y a des jours avec, des jours sans. Mais il s'est montré plutôt agressif, et ça, c'est plutôt bon, entreprenant. Alors, il n'est pas là pour faire des passes, clairement, Non, mais en tout cas, il peut apporter une solution au t'as un scoring. trou Et noir. c'est un profil qui est assez compliqué à défendre, parce que c'est un profil long, qui sait se délier aussi pour certaines pénétrations dans la raquette. Donc c'est plutôt intéressant. Pour une fois, enfin si je dis pas de bêtises, c'est un droitier, donc ça nous change aussi des attaquants gauchers. Mais voilà, en tout cas, Cam Reddish, plutôt une bonne prestation, des bonnes sorties ces derniers temps. Il va falloir que ça dure et on voit que son rôle est important. Bon Ah allez, oui, il a vraiment pris le temps file, il a vraiment pris de belles minutes, ouais. on revient vite fait sur ces 4 matchs de la saison, de la semaine passée. Ouh là là, du road trip, des matchs en back-to-back. Pour commencer, déplacement au Utah Jazz, l'équipe surprise qui était jusqu'à présent invaincue. Invaincue, on ne donnait pas forcément les Knicks gagnants, et pour autant, ils ont été chercher ce match. Un vécu à la maison. Ensuite, Un vécu à la maison. Ils avaient déjà perdu des matchs. Oui, invaincus à la maison. Enfin, ils ont déjà perdu des matchs, mais oui, ils n'avaient pas perdu À la à maison, Salt non. Lake City. À Salt Non. Lake City. Donc voilà, donc les Knicks ont été accrocheurs, ont été plutôt bons sur cette rencontre. On a vu un bon Julius Randle qui a montré l'exemple. Donc ça, c'était intéressant. C'est suivi derrière un déplacement aux Nuggets. Alors oui, les Nuggets sans Nikola Jokic. Oui, les Frank Nuggets, il Gordon. manquait qui d'autre sans Gordon. Aaron Gordon. Aaron. Donc effectivement, on avait un secteur intérieur plutôt démuni. Oui. C'est sûr qu'avec un Jokic MVP en titre, double MVP, Hmm. forcément, ça aurait été plus compliqué Ça pour change la Nuggets à donne. défendre. Mais faut pas retirer du Non. crédit non plus à cette victoire en back-to-back. Voilà, on n'était pas, on pronostiquait pas forcément une victoire là-bas. Après, les absences, les blessures, ça c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu. Un coup, ça va être pour les Knicks qui ont clairement moins de marge de manœuvre. Mais quand ça touche des joueurs importants comme Nikola Jokic ou Denver Nuggets, bah, faut savoir en profiter. Et c'est des occasions qui ne se présentent pas forcément tous les 4 matins. Donc bravo à eux d'avoir gagné ce match aussi en back-to-back. Et ça mettait voilà, le road trip sur de bons rails. S'en est suivi un déplacement chez les champions en titre, les Golden State Warriors, qui revenaient d'une défaite contre les Phoenix Suns, malgré les 50 points de Steph Curry. Donc on savait qu'ils allaient être revanchards. Ils n'avaient perdu qu'un match chez eux. On sait aussi les difficultés que les Knicks ont à défendre la ligne à 3 points. Donc face à des artilleurs comme les Splash Bros, comme des Wiggins, des Jordan Poole, ça s'annonçait quelque chose de compliqué. Bon, ça a été compliqué, on n'a pas fait illusion bien longtemps. Et puis ce dimanche, voilà, la défaite, pas en back-to-back, mais quasiment pas en back-to-back, Le Phoenix Suns. les Phoenix Suns, pardon, j'ai un bout de trou de mémoire, qui était privé de Chris Paul, de Landry Shamet, mais voilà, qui ont mis un petit peu de temps à rentrer Mais leur shoot. avec un gros Booker et un gros Cameron Payne. Et puis une grosse maladresse de notre part, de la part des Knicks, où finalement il y a à peu près que Jalen Brunson qui a un peu surnagé, et Quentin Grimes qui faisait son retour dans le Le starting retour, five, ouais. à la place de Cam Reddish qui lui était blessé. Evan Fournier, voilà, on l'a dit, on l'a un peu évoqué, du DNP encore, donc même avec des absences pour l'instant, il n'est pas ressorti, il n'est pas réutilisé, donc c'est dire que sa situation est bien compromise à New York. Mitch Robinson qui a fait son Ouais, retour aussi sur ce match, passe RB. titulaire. Il a rapidement repris la place sur le parquet après deux fautes rapides de Hartenstein. Donc voilà, Mitch Robinson aussi, il faut le rappeler, on a joué quand même quelques matchs sans lui. Il a ses qualités, ses défauts, il a des matchs où il est plus ou moins transparent, mais sa dissuasion, c'est quelque chose d'important. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir recompter sur son retour. Voilà, donc 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Tiens, tiens donc, ce serait pas le pronostic que j'avais fait moi la semaine dernière. Donc je vous réserve mon pronostic pour cette semaine après, amis Je te parieurs, si vous fais voulez finir riche. une hola de doigts. Je te fais une hola de doigts. Voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de mérite à tout ça, mais en tout cas, voilà un bilan finalement d'une semaine mitigée à domicile, à l'extérieur, en road trip, pardon, avec 50% de victoire. Bah, c'est pas si mal que ça. Malgré des adversaires qui étaient quand même plutôt costauds, quoi. Donc, ouais, faut relativiser aussi. Oui, quand il y a des défaites, on voit tout de suite tout ce qui va pas. Et les défaites sont jamais d'à rien. C'est plutôt des défaites plutôt honteuses, plutôt où on n'est pas du tout Et quand dedans, t'es où on supporter ne des Knicks, rivalise quand t'as pas. des victoires, tu vois aussi ce qui va pas. Et tu vois aussi ce qui va pas. Mais voilà, en tout cas, si on prend un petit peu de recul, un peu de hauteur, on finit à cette semaine, ce début de road trip à 2-2. Et c'est plutôt intéressant. Là où beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans voyaient 4 défaites et au revoir Thibodeau. Bon, voilà. Moi, C'est peut-être encore Thibodeau en sursis. reconnais mon erreur, moi je reconnais mon erreur, Non, c'est moi, c'est moi. mais il faut le dire aussi. Donc, on s'attendait pas à ce que les Knicks gagnent tous les matchs cette saison. On est d'accord. Beaucoup projetaient un peu 50% de victoire à la fin de la saison, au mieux. Une place pour batailler au play-in, bah c'est où on retrouve les Knicks aujourd'hui. Donc oui, il y a des choses qui vont pas. Oui, Thibodeau cherche un peu à droite à gauche la bonne formule. Oui, il y a des matchs où on va jouer l'attaque, l'attaque, l'attaque et pas vraiment la défense. Mais finalement, on est là où on pensait être face à des adversaires qui sont plus talentueux avec des effectifs clairement plus à leur avantage, quoi. Ouais, moi Donc cette qu'est-ce semaine que toi tu... Qu'est-ce que, de le façon courte, tu pourrais résumer cette semaine sans tirer sur les joueurs, on en a déjà parlé beaucoup des joueurs, mais Ouais, de le façon match, globale. le match pour moi le plus complet, ça a été le Jazz. Je me suis trouvé très bien. Défensivement, rien à voir. Bam, d'un coup, on arrêtait les aides systématiques sur le joueur qui tenait le porteur de balle. On prenait son gars, ça courait partout. Enfin, je veux dire, match pour moi, c'était le match référence, le match contre le Jazz. Un match magnifique. Très bon match de l'équipe. Franchement, tu me suis dit, ah, il y a eu un effet Diner. Les joueurs se sont recentrés. C'est fini les errements défensifs. Franchement, super match de l'équipe. On arrive contre les Nuggets. Là, bon, on gagne le match, mais il y a certains aspects. On recommence un petit peu à jouer un petit peu à l'envers, mais ça reste quand même solide, comme tu dis, malgré les absences de Jokic et de Gordon, qui sûrement, s'ils avaient été là, je veux dire, auraient sûrement fait autre chose. Et on gagne de 3 points. La fin du match Ouais. est très Accroché compliquée. encore. Ouais. Ah ouais, très Mais compliquée. il faut aller le chercher Il faut et du coup, enfin, aller faut chercher. quand C'est même un donner match. du crédit à ces joueurs. Non, non, mais c'est comme quand on rencontre Détroit ou quand on rencontre ces genres d'équipes. Il faut les gagner. Quand on rencontre des équipes comme Denver, quoi que ce soit, sans leur star, c'est Il faut essayer d'aller le prendre. Ouais. des matchs où il faut profiter pour aller les chercher. Bon, ça, voilà, ça, donc ils l'ont fait, tant mieux. Si Jokic était là, voilà, mais avec des si, on referait le monde. Là, il n'était pas là, donc c'était normal de le prendre. Ensuite, bon, voilà, on affronte deux équipes quasi au complet sur la fin, deux équipes qui s'annoncent comme étant soit les principaux le champion en titre qui va prendre sa propre relève, ou alors des contenders avérés comme les Phoenix Suns qui sont au tac. On a joué les deux derniers finalistes des Et deux dernières voilà, saisons à l'Ouest. Donc c'est ça, bon. sûr de leur force, sûr de leur collectif. Là, forcément, tu les prends, voilà, quasi au complet. En ce moment, tu vois que Chris Paul pas là, mais il y a quand même Cameron Payne qui fait le taf. Et sur le dernier match, il avait fait déjà bien, bien le taf. Tu prends des Warriors, pareil, qui à la maison sont intraitables. À l'extérieur, c'est un autre sujet, mais à la maison, qui sont intraitables. Et bon, ben voilà, tu les prends, tu perds. Alors, tu perds le match contre les Warriors parce que tu fais un entame pourri. Où là, tu prends 35 pions. Nous, on a marqué Ouais, 17. mais On a marqué 17. ils ont contrôlé Et le tempo après, on a des semblants de comeback. On arrive à afficher un bon état d'esprit parce qu'il faut voir les stats à 3, ils ont croqué, hein, je veux dire. Oh oui, Les, 50, les... 53 points, 50 tentatives de prise par les Warriors. Ah C'est un jeu caricatural, mais c'est leur ouais. jeu. C'est leur jeu. Curry, c'est 5 sur 13 à 3. Clay, 4 sur 10. Donc C'est voilà, leur c'est ça. jeu, c'est leur jeu. Ça a allumé. Nous, bon, on n'a pas réussi à revenir. On perd de 10 points. C'est pas scandaleux. Le match d'hier, on se fait broyer. Je veux dire, le match d'hier, par contre, il n'y a pas de surprise. On a un peu. L'envie était pas spécialement là, Non, on et puis on patauge a un petit vraiment. peu On a en vraiment première l'impression mi-temps, que. mais. On avait vraiment l'impression qu'il y avait vraiment un monde d'écart entre eux et nous. Même si pendant trois quarts temps, on a fait illusion, on était à moins 10, à égalité, à moins 10, à égalité, quand on revenait, on sentait quand même qu'à un moment donné, s'ils appuyaient sur le bouton Sur accéléré, l'accélérateur, il nous mettait dans le rétro, quoi. on allait partir dans le vent, et ça a été le cas. On a eu un booker, un très beau booker, et puis bon, on n'a pas réussi. Cependant, il faut souligner le retour de Grimes qui a Le été très Grimes. bon. Moi, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu défensivement. Il m'a beaucoup plu offensivement. Beaucoup plus. Je veux dire, il bat son record en carrière de passes décisives C'est dire, c'est dire. avec 8 passes. Et il a bien mené l'attaque. Je trouvais ce que, par exemple, un Reddish n'amène pas, qui lui va amener vraiment sa force physique en attaque. Lui, il amène un peu plus de cerveau, un peu plus de bulbe, quoi. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très bien. Et Drive, c'est la belle surprise. Et c'est là qu'on se dit. Tibbs, là je comprends pas ces derniers mois. Est-ce que soit il était pas rétabli, ou alors il était rétabli mais il jouait pas. Mais là maintenant je comprendrais plus qu'on reste sur une rotation à 9, par contre. Là, je après ce qu'il a comprendrais plus. montré, après ce qu'il a montré, on espère le revoir plus régulièrement, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi son passage où il fait un coast-to-coast direct. Donc ça, voilà, Ouais, très bien. super, ça montre que le joueur est prêt et se sent bien physiquement. Ouais. Ouais. Voilà, ça va être intéressant de voir maintenant quand Cam Reddish va revenir, lequel des deux va être starter ou pas. En tout cas, ça va pas faire les affaires d'Evan Fournier. Non, c'est Et bon. puis, ouais, tu dis, il apporte un peu le bulle, ben, il apporte un peu de QI basket. Et en parlant de QI basket, on a un IQ. Voilà, pour le petit jeu de mots, bah lui qui est plutôt dans le dur, une seconde unité qui est vraiment dans le dur, dans le mal, tellement dans le mal que bah Derrick Rose il s'est blessé aussi sur cette rencontre-là. Voilà, il va falloir pianoter avec tout ça en vue d'une nouvelle semaine. Mais bon, est-ce Ouais, ça que a filé des minutes finalement à Mac. Ça aller. donnait des minutes à McBride qui a pas été décevant. Qui a pas été décevant. Ouais. Franchement, je ne l'ai pas trouvé Oui, décevant oui, sur le oui. match. Il a eu 15 minutes, il a eu 15 minutes de temps de jeu. Il a pas. C'est bien, c'est mignon, ça permet de le faire ressortir Ouais. un petit peu, Oh, mais c'est très bien, c'est comme est-ce Evan, qu'il ça. va passer dans la rotation devant un Derrick Bon. Rose? Ça, Non, non. ça. Ou si Rose demande son trade, qu'il part avec Evan dans un paquet, je ne sais pas. Ah, Mais. ça, moi j'aimerais bien qu'on en parle dans la seconde partie de l'émission. Justement, parce qu'il y a eu des petits trucs et il va peut-être se passer des choses. Voilà, on ne sait pas tout, mais on va en parler. Bon, en tout cas, voilà, c'était pas forcément honteux en tant que tel de perdre Non. contre les Warriors, de perdre contre les Suns. Deux, c'est un Donc, bon résultat. relativisons. Voilà, Deux, c'est un bon résultat. c'est pas pour autant qu'il faut faire exploser le roster tout de suite sur des défaites contre ces équipes. Sinon, on va avoir du mal quand on va affronter encore les Bucks, quand on va affronter, voilà. Mais voilà, il faut se projeter et on a de quoi se projeter parce qu'on a un petit programme qui arrive, une petite semaine qui s'annonce. Moi, je te propose d'en parler tout de suite. On regarde ce Yep. qui arrive cette semaine. Allez, Allez, c'est c'est parti. parti. Le programme de la semaine à venir. C'est parti. Ah là là là là là. Eh bien, pendant que certains jouent au ballon avec les pieds dans le désert du Qatar, et que nous, on jouait au ballon panier dans le désert de l'Arizona, eh bien maintenant, il faut quand même se projeter sur d'autres choses. Et sur d'autres choses, c'est quoi? C'est la fin de ce road trip. Ça y est, les Knicks vont bien finir par rentrer à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, il va falloir passer par Oklahoma City. Et ouais, il y a peut-être une revanche à prendre, il y a peut-être un meilleur visage à montrer, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être pour ça aussi que les Knicks, entre guillemets, ont rapidement jeté l'éponge sur le match contre Phoenix, parce qu'ils se retrouvent en back-to-back. Oui, dès ce lundi soir, ils rejouent. Donc à voir si il y a un petit repas, hein, où est-ce qu'ils ont mangé au resto, est-ce qu'ils se remobilisent ou pas. Mais en tout cas, il va falloir qu'ils se disent des choses pour ne pas refaire le match honteux qu'on avait pu voir face au Thunder. Va falloir faire des stops, va falloir un peu poser le ballon, va falloir éviter de jouer l'attaque à tout va et puis rendre autant de ballons en face à l'adversaire. Mais en tout cas, voilà, un match contre le Thunder qui est forcément attendu parce qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'autre fois, dimanche il y a 2 semaines, au Garden. Donc là, il serait de bonne idée de finir le road trip de la bonne façon. Bon, si on finit à 2-3 ou 3-2, voilà, on Je relativisera sens quoi qu'il arrive que ce road trip. je sens Mais, qu'on va mais. encore parler beaucoup de Shalgi Juice quoi après ce match. Y a déjà des montages Photoshop qui sont apparus avec des couleurs d'Enix. Mais voilà, on va laisser ça dans le monde virtuel, dans le métaverse. Pour l'instant, c'est un joueur du Thunder. Est-ce qu'il Pourquoi voudra Kevin faire toute sa Knox? carrière Pourquoi pas là-bas? Shalgi Juice? Pourquoi Kevin Eh Knox? ouais. On va pas refaire le monde, on va pas refaire le monde. Sinon, des what if, il y en a tout Oh plein sur Knicks Nation là là. France. .com. Voilà, des drafts, moi je peux vous en ressortir un paquet où ça aurait changé à jamais l'histoire des Knicks. Mais bon. En tout cas, voilà, ça c'est le dernier match du road trip. Après, il y aura un petit break. Ils vont pouvoir se remobiliser, retrouver papa, maman à la maison, les enfants, tout ça, le chien et tout, faire un peu de trottinette. Bref, s'amuser à Big Apple. Mais en tout cas, ensuite, ce sera 2 matchs pour finir la semaine. En back-to-back, hein, ou quasi, un match dans la nuit de vendredi à samedi. Non, oui, c'est ça, vendredi à samedi contre les Blazers, la réception des Blazers qui sont plus ou moins dans les premiers dans la Ah, ils sont conférence bons, ils Ouest. sont très bons, ils sont très bons. Donc ça va être encore sympa, Ouais. mais bon, sait-on jamais avec le retour au Garden, pourquoi pas. Et puis ensuite, plus ou moins dans la foulée, dimanche soir, en soirée, ou du moins à minuit, heure française, la réception des Grizzlies. Et oui, la fameuse équipe de Ja Morant. Est-ce que Ja Morant, il est plus fort que RJ Barrett? Bon, ça, vous J'aimerais être connaissez la blessé. réponse. J'aimerais être blessé actuellement. Mais à Ja Morant blessé, Et que des la Grizzlies cheville. qui sont un peu touchés. Bon, d'ici dimanche, peut-être qu'il va revenir. Et quoique, la saison dernière, bah, les Grizzlies, ils performaient plutôt pas mal aussi en l'absence de Jamorant. Donc à voir. En tout cas, c'était un match qui avait été plus ou moins accroché. Oui, qui avait été accroché, puisqu'il avait fini en prolongation. Oui. En ouverture de cette saison. Ouais. Donc là, on va les retrouver. Mais bon, vous connaissez l'adage, hein, il faut pas vendre la peau de l'ours. Clairement, il faut pas la vendre. Donc, trois matchs cette semaine, petite semaine, retour à la maison. Comment on pronostique tout ça? C'est moi qui lance en premier? Allez, c'est toi qui te lance. Allez, comme ça, on pourra pas me taxer d'être influencé par tes pronostics. Et bien, sur ces trois matchs, moi, je vois bien aller encore deux victoires. Ouais, deux victoires. J'ai envie d'être pronostique. Non, pas 3-0, parce que, je sais pas. Mais deux victoires, et deux victoires, moi, je veux une revanche contre le Thunder. J'ai envie de prendre la revanche contre le Thunder. Donc, du coup, dès ce lundi, peut-être que mon pronostic va tomber à l'eau, mais j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de bien finir ce road trip. Par contre, les Blazers, je les sens pas trop. Il y a des joueurs en forme, il y a différents joueurs en forme au côté Blazers, donc je verrais plutôt une défaite contre les Blazers, et... une surprise pour bien finir une semaine, encore pour une fois, pourquoi pas, une victoire contre les Grizzlies. Donc voilà, donc j'ai une cote qui est plutôt élevée sur ces matchs-là. Peut-être que d'autres verront plutôt l'inverse, hein, 1-2, mais voilà, moi, ça serait mon pronostic. Toi Seb, tu vois? Comme tu dis, je vois 1-2. Et finalement, une victoire contre les Blazers, tout l'inverse de moi ou... Non, je pense que Oklahoma, c'est une très bonne équipe. Hein. Je veux dire, même, regarde, ils ont accroché sévèrement Boston. Et ils ont dû s'employer pour les battre. C'est une équipe actuellement qui est très bonne. Moi, je nous vois perdre là-bas. Après, j'hésite entre Portland et Memphis. Il manque beaucoup de gens à Memphis maintenant. On a eu Desmond Bane qui s'est blessé. Là, on a Jamorant qui s'est blessé. Deux personnes très importantes dans l'animation offensive des Grizzlies. Donc... est-ce que j'ai pas envie qu'ils prennent ce match un petit peu à la légère? Portland est en forme. Moi, je nous vois perdre les deux premiers, Oklahoma et Portland, et prendre les Memphis. Quelque part, c'est un peu la cote la plus simple, c'est-à-dire battre celui qui est le plus faible. Après, j'entends qu'une chose, c'est qu'il me fasse mentir, hein, bien sûr. Un 3-0, je prends tous les jours. Un 2-1 comme toi, je prends tous les jours. Qu'on prenne notre revanche sur Oklahoma, je la prends tous les jours. Actuellement, je ne sais pas si... Il va falloir que Julius refasse un diner, là. Il faut qu'il en refasse un. Faut qu'il invite. Voilà. D'ailleurs, si tu veux nous inviter, Julius, hein, tant que tu es à New York, ça ne durera peut-être pas 107 ans, mais n'hésite pas. Je pense pas qu'il fasse ça au McDo du coin, donc moi, je prends direct, pas de problème. Mais non, actuellement, ouais, je ne nous sens pas... nous, dans une forme mentale exceptionnelle. Par contre, je sens nos adversaires, les deux prochains, sur deux. Et ça joue ça. Ouais. On n'est pas dans la meilleure situation qui soit sportivement, mais même un petit peu, on va dire, en coulisses. Parce qu'en coulisses, bon, voilà, Julius, ok, on parle toujours de Julius, on focus beaucoup sur Julius. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On en a beaucoup parlé, on en a un peu moins parlé là, cette semaine, mais voilà, son nom commence un peu à réémerger plus ou moins dans des rumeurs de trade, du moins, semble-t-il, sa cote a repris un petit peu d'embellie. Je vous ai dit, laissons-le scorer. Voilà. Non, et puis il faut le dire que dans l'attitude, même si c'est toujours pas un bon défenseur, mais ça, voilà, à un moment, il faut avoir un petit peu compris à qui on a affaire vis-à-vis de certains joueurs. Hier soir, je te coupe deux petites secondes, hier soir, fin du troisième quart-temps, à un moment donné, il m'a rendu dingue sur 2-3 minutes, déjà avec ces ballons qui me gonflent. Faire deux balles. Tu sais, quand il saute, et puis il va faire une passe qui est, voilà. Il cherche un mec, mais tu sais, c'est foiré d'avance, quoi. Et ensuite, sur la phase derrière, il défend même pas, je veux dire, il y a le mec qui récupère le ballon à la ligne à 3, il lui sort même pas dessus, ça tape le fond d'arceau, il saute pas, le mec, l'adversaire récupère le rebond, il le regarde. Sur une séquence, c'était sur la fin du troisième quart-temps, quand on commençait à prendre le bouillon, Et tu sentais que déjà il était dépassé là dans la tête, Ah, il a ses passages, il a ses passages, ses ça allait absences et exploser. tout, et Et là, je veux c'est dire, tu te fous. frustrant, c'est frustrant, c'est énervant. Et d'ailleurs, il y a Aubut qui rentre. Alors, est-ce que c'était prévu par Thibodeau parce qu'il aime bien faire rentrer Aubut dans les 3 dernières minutes d'écartant? Ou est-ce que c'est parce que là aussi, ça l'a saoulé à Tibbs et il a sorti? Mais alors, sur la fin du troisième quart-temps, mais il était parti, Affreux, quoi. affreux, affreux. Non, mais il a toujours ses passages. Il y a l'autre fois où, par contre, contre Denver, où voilà, il s'agrippe, il se bat, il se jette pour aller chercher des ballons pour après faire une passe à Brunson. Donc, ça, c'est très bien. Mais on aimerait voir ça un petit peu plus souvent. On aimerait savoir ça, non pas sur 48 minutes, parce que tu joues pas 48 minutes, Julius, mais on aimerait voir ça de façon constante. Après, malheureusement, on sait que c'est ce profil de joueur. Ouais, on Un sait. joueur qui va avoir ses absences, un joueur qui va, à un moment donné, lever le pied en défense. Bon, faut pas, faut, enfin, à un moment donné, il faut savoir à qui on a affaire comme joueur. Comme Melo n'était pas un grand défenseur, bah, Julius, c'est pas un grand défenseur. Et pour autant, quand il veut se donner la peine, le mal de le faire, il peut. Ouais, Donc, c'est dommage. c'est contre le Jazz. Contre le Jazz, il a fait quand même souffrir. Il a quand même fait souffrir Mark Cannon qui marchait très fort. Et il y a notamment, je crois que c'est à ce match, hein, à un moment donné, où il fait une très belle défense, il lui prend le ballon des mains, enfin, en tout cas, il lui tape dans les mains. Enfin, Ça arrive par séquence, ça arrive par séquence, mais malheureusement c'est pas assez. Ouais, il peut Donc le voilà. faire. Mais on va pas revenir sur les 4 matchs. Non, pardon. Et si vous voulez voir le replay de Julius, bah vous irez voir vous-même. En tout cas, tout ça pour dire que dans les rumeurs, voilà, son nom revient. Peut-être qu'il pourrait commencer à intéresser des équipes. On a vu un photomontage, parce que les Knicks n'ont pas le monopole des photomontages au Miami Heat. Donc à voir contre qui, contre quoi, pour qui, pour quand. Bon, je suis pas persuadé que ça soit le Heat, sa destination privilégiée s'il devait partir de New York. Mais voilà. Et Julius, très bien. Evan, pour l'instant, pas vraiment de rumeurs. Par contre, les deux qui reviennent dans les rumeurs, c'est IQ et Derrick Rose. Ouais. Alors, voilà, des profils différents, de la jeunesse, plutôt de l'expérience, des contrats qui n'ont rien à voir, pas du tout les mêmes montants. Par contre, des joueurs qui alternent le bon et le moins bon. Derrick Rose, c'est un peu mieux ces derniers temps. Malheureusement, il vient de se blesser à l'orteil. On espère que c'est plutôt une blessure bénigne. Mais IQ, par contre, compliqué cette saison, hein. Un coup, il va nous sortir des matchs à 19 points Ouais. et un peu ce côté feu follet, cette réussite et faire un peu de playmaking. Et puis d'autres où il va passer complètement à côté. Donc dans la seconde unit, c'est compliqué IQ cette saison. Moi, j'ai du mal à retrouver justement cet apport en sortie de banc. Et du coup, est-ce que c'est pas le moment de s'en séparer, quoi? IQ a le syndrome Cam Reddish. C'est-à-dire que bah, il amène hyper bien en défense. Oh, si, quand même. Je veux dire, il amène en En défense, tu défense, sais, oui, en défense, très il fait bon les défenseur. efforts, il est présent, il est Très bon présent. défenseur. T'as vu, vers le contre, à un moment donné, qui met justement au mec en fin de tir à 3, il arrive à aller la chercher. Donc, il se la donne beaucoup en défense. Par contre, en attaque, bah, il fait comme les autres. Il allume à 3. On allume à 3. On allume à 3. Et on allume à 3. Les gars, qui n'a pas pris un 3 points, prendra un 3 points. Donc là-dessus, voilà quoi. C'est ce problème-là. Je trouve qu'il est moins, ouais, il est moins tranchant. Il fait moins ses petits flotteurs, tu sais, de sa saison rookie, là. Où il fait ses petits flotteurs sympas. Voilà, donc il va En pas. fait, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu IQ dans ce rôle de est-ce que tu dois être un joueur offensif ou un playmaker? Est-ce que tu dois faire jouer tes collègues, Topin, voilà, un coup Evan Fournier, un coup Mitch ou Sims. Bon, j'ai l'impression qu'il se cherche aussi et qu'au final, il propose pas forcément de bon dans le playmaking et pas forcément de bon dans l'offensif. Donc, dans ce rôle un peu de pivot sixième homme, Attention au c'est retour de compliqué, Grimes. c'est compliqué, c'est compliqué. Attention au retour de Grimes aussi, qui peut lui faire du mal, hein. Qui peut lui faire du mal à ses minutes. Ouais, parce Hein. qu'il peut porter le ballon. Ouais, IQ, on sait que c'est un combo garde, c'est pas un meneur, un poste 1 pur et dur. Voilà, il alterne entre ces deux positions. Et quand il joue avec Derrick Rose, hein, voilà, on a du mal à savoir qui est le meneur dans tout ça. Même ouais. si il porte un peu plus le ballon tout de même. Mais c'est sûr, sa réussite offensive, quoi, qui n'est pas au rendez-vous cette saison, malheureusement. Ah, c'est d'une tristesse, ça. Donc voilà, donc c'est un joueur qui est jeune, qui va arriver doucement mais sûrement à la fin de son contrat rookie. Et oui. Est-ce que c'est pas une valeur marchande? Après, pour récupérer quoi en contrepartie? Si c'est pour récupérer des pics de draft, franchement, autant garder IQ. Non, Autant le ça n'a garder. aucun intérêt. Hein. Et pour Est-ce récupérer que... quoi comme pic, hein? On en a déjà une tonne de Est-ce... pics éclatés. Ça, c'est. J'ai du mal à voir en fait la contrepartie qu'on pourrait obtenir d'un Emmanuel Quickley, quoi. Après, Ou à mais moins par que ça contre. soit pour l'attacher à Evan Fournier, quoi, pour faciliter le fait d'aller sortir le Ouais. contrat d'Evan. Après, ceci dit, bon, peut-être que tu as raison, peut-être que ça va être la petite pièce qui va fait, permettre à Evan de pouvoir partir. Après, t'es pas pressé, tu peux toujours t'en servir. Tu peux toujours faire un silent trade en juin. Je veux dire, il n'y a rien qui t'interdit. Donc, tu peux lui laisser encore finir la saison, lui faire monter sa valeur et après, pourquoi pas essayer d'aller chercher un autre mec dans la rotation, hein, parce que tu vas pas chercher une star avec IQ, mais un mec dans la rotation qui aura un profil différent et qui pourra nous amener quelque chose de différent. IQ, ouais, c'est vrai que là, ces derniers temps, on peut se poser des questions sur son futur. Sa défense, il n'y a rien à redire, moi, mais son attaque, mais le problème, c'est que son attaque, c'est tout le monde son attaque. C'est tout le monde a son attaque qui foire, quoi. Il y a tout le monde, sauf JB aussi, ça passe des fois au travers, mais le problème, c'est que tu n'en as aucun actuellement. Tu as Obi qui a un panne d'adresse Obi total. qui est pareil, qui s'est perdu sur ce dernier match où il rentre plus ses shoots, il va même plus faire Ouais. ses dunks qui sont, hein, faut le dire, qui sont toujours compliqués, mais qu'il mettait auparavant. Des petits Donc layups, des petits layups sur le panier. lorsque ce duo ne performe plus, ne produit plus, n'apporte plus, c'est compliqué. Les matchs, les passages où la seconde unité est là, oui, c'est plaisant à voir jouer parce que c'est jeune, parce que ça court, parce que c'est dynamique, parce que ça défend. Mais c'est souvent là aussi où on relâche des avances, ou au contraire, on n'arrive pas à raccrocher. Donc en ce moment, la seconde unité, plutôt abonné Tu te absent, rappelles en en dehors début de de Derrick saison, Rose, quoi. En dehors de Derrick Rose, quoi. tu te rappelles en début de saison, il y avait eu un débat. Est-ce que les Knicks ont la meilleure seconde unit? Bon, on est rentré dans le rang. On On est est rentré rentré. dans le rang, même si les rotations étaient raccourcies, donc très bien. Ça donne vraiment des minutes consistantes aux joueurs. Par contre, il y a des moments où on traverse des déserts, c'est le cas de dire en ce C'est moment. ça. La mode est au désert, mais on fait des traversées du désert offensives et ça aide pas. Ça aide pas parce que le starting five, il est bon ou il est pas bon, mais si la seconde unit n'est pas là pour redonner un petit peu un coup de boost lorsqu'on en a besoin, c'est compliqué. Et donc voilà ce duo IQ Rose qui est plus ou moins dans les rumeurs. Mais tu vois, quand tu vois un match de Cameron Payne hier, et comme il en a fait là ces derniers temps, je te dis, un IQ pourrait très bien faire ce genre de match. Je veux dire, il a rien à envier à un Cameron Payne. Mais je pense qu'à un Non, moment c'est donné, un profil. c'est pareil, c'est des dynamiteurs de sortie de banc. Mais je pense qu'actuellement, il traverse vraiment, lui, depuis le début de la saison, c'est comme ça, hein, un vrai problème de confiance au tir. Et ça rentre pas. Il va arriver à un match où ça va rentrer, mais le suivant, il va pas y avoir de continuité. Et actuellement, ben voilà, quoi, on a Il un faut joueur noter comme qu'il ça. a. Il faut noter que c'est un joueur qui est plus en réussite, qui est peut-être en doute, mais qui a toujours du temps de jeu. Donc là-dessus, voilà, il a encore la confiance du coach et tout. Voilà, même quand ça se passe mal dans les matchs, voilà. En même temps, le coach, il peut pas de faire tout le monde GNP. Je veux dire, à un moment donné, Tout le il monde faut sur le banc, non, c'est certain. Mais que. en tout cas, pour dire que voilà, il est toujours présent dans la rotation, Allez, à peu près au même Colopide. moment. Donc il n'y a pas eu de punition vis-à-vis d'IQ. Donc à voir, il semble faire partie des plans du coach. Tout comme Derrick Rose, qui, on en parlait la semaine dernière, se questionnait sur son rôle. Bon, bah là, il a ses minutes et tout. Il a sa réussite ou pas, mais voilà. Donc c'est curieux, enfin, faire des choix. Est-ce que les deux vont partir? Je pense que c'est des profils qui ne vont pas renforcer le même type de concurrents, d'équipes concurrentes. À voir, à voir. On Après, on sait a qu'il y a des beaucoup de équipes monde hein, sur la qui ligne marchent arrière. pas très bien aussi dans la conférence Est. On pense à Miami, on pense à Chicago. Donc est-ce que voilà, il n'y aura pas des affaires à faire avec ces franchises-là? Il va falloir Après, surveiller c'est tout ça. pareil. On est encore loin. On est encore loin Comme de tu la dis, deadline. après pour récupérer quoi? Mais par contre, le point positif, je trouve, j'avais été un peu dur sur lui et finalement, il me donne, enfin, en tout cas, il me donne des belles minutes et j'aime beaucoup. C'est Jericho Sims. Jericho Sims, je trouve qu'il fait du Mitchell Robinson moins cher. Il fait Il du un peu plus costaud en plus, fait du. C'est un sacré bestiau, hein, le bonhomme. C'est vraiment une belle bête. Et je trouve que, ben, au niveau du rebond, il amène son physique. Je le trouve Ouais, il est très bon. présent, Je le trouve très bon au niveau du rebond. Alors ouais, il a encore cette naïveté parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il a encore cette naïveté, quoi qu'il est plus jeune. Tu dis ça, mais Mitchell Robinson est du 1er avril 98 et lui, il est du 20 octobre 98. Il a le même âge que Mitchell Robinson. Mais Il est plus jeune en NBA en tout cas, il est arrivé plus tard, mais il est il plus est jeune. sophomore, il est sophomore. Voilà. Mais voilà, il est encore un peu naïf dans son placement défensif, un peu comme on pouvait être un Mitchell Robinson. Mais je le trouve très mobile et je trouve qu'il se bat au rebond et il se bat plus au rebond offensif que Mitchell Robinson. En tout cas, je trouve que il amène de belles choses. Il amène de belles choses et j'en viens même des fois à me dire, ah punaise, c'est Einstein qui est là. Je préfère Quintia Sims et Quintia Sims. Effectivement, effectivement, sur cette triplette d'intérieur, Art Einstein est plutôt en train de sortir des matchs un peu moins consistants. Tu te rappelles ces petits lay-up mécaniques qui mettait à chaque fois, dès qu'il y avait le ballon, hop, il arrivait, tu sais, cette qu'il y a La réussite est plus au rendez-vous en ce moment. Il avait plus enfin. Pour tous, pour beaucoup de joueurs. Donc, c'est en ça où, voilà, est-ce qu'on tire sur la corde? Est-ce que ces rotations courtes, c'est bien? Est-ce que ce road trip, il a usé les joueurs? J'espère pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir aussi maintenant comment vont s'articuler ces rotations avec trois intérieurs. Est-ce que c'est juste le jeu des fautes qui va faire que certains auront des minutes plutôt que d'autres? En tout cas, voilà, Mitch, Art Einstein et Jericho. Ça va être intéressant à suivre. Et peut-être que dans l'eau, il y aura aussi un de ces joueurs qui sera sacrifié pour faire un trade. Est-ce que tu vois, toi, Mitchell Robinson, que t'as re-signé cet été, partir non. à la Dedal? Non. Pas tout de suite, mais est-ce que Jericho Sims va pas être sacrifié pour, voilà, dans un package? À voir. En tout cas, il va falloir suivre tout ça. Tant qu'il a sa cote qui est haute, pourquoi pas. Je pense pas qu'il a un plafond de fou, hein. Il nous montre de belles petites sorties et ces passages sont toujours intéressants, même si c'est limité dans le jeu. Je vous lâche comme ça juste une idée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je parlais rapidement du hit. Le hit, il y a un Duncan Robinson qui est plutôt un shooter, à 3 points surtout, qui est plutôt dans le mal, plus trop utilisé ces derniers temps. Est-ce qu'un petit deal, Evan Fournier, Duncan Robinson, et puis bon, au pire, on met un pic ou j'en sais rien. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est pas ça dont on aurait besoin, avoir un vrai shooter fiable? Est-ce que Quentin Grimes, c'est le vrai shooter fiable dont on a besoin à 3 points? Voilà, bah écoutez, c'est une petite idée comme ça, lâchée au passage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, IQ, Rose, Evan, Obi, qui va être le premier à être traité? Est-ce que je peux réagir à ton idée? JB? Non, réagis pas. Si. Non. Vas-y, non, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je me tais. Je l'ai vexé. Non. Non, mais je sais pas, parce que fiable, Evan était fiable l'année dernière. Donc. Mais il a un profil peut-être moins, plus défendre, moins polyvalent pour la défense, parce qu'il est un peu plus long, Robinson. Ah ouais? Tu penses que Duncan Robinson... Entre deux joueurs qui sont, on va dire, mis au placard par leur équipe respective, peut-être que... Moi, j'aurais pu chercher Jay Crowder, même s'il lui reste un an de contrat. Jay Crowder. Le prix sera peut-être moins cher parce que justement, il lui reste un an de contrat. Il arrive dans sa dernière année. Et lui, pour le coup, il a le vrai profil d'un free agent. Lui, il a le vrai profil d'un free agent. Et le bonhomme, il est costaud, lui aussi. Et attention, moche. Ça fait partie des rumeurs et des noms qui ont circulé. On n'en a pas parlé. On ne l'a pas vu à Phoenix parce qu'il n'a pas joué. Mais Jay Crowder, c'est pas le même âge, c'est pas le même profil. C'est plutôt un joueur qui vient chez un contender. Donc, ouais, ça, c'est une idée. Après, à qui va-t-il gratter des minutes de jeu? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu fais passer un vétéran avant de faire partir un petit jeune? Ça m'amène à la question. Est-ce que finalement, là, à peu près à 20 matchs, et on se dit, tiens, il y a peut-être des trades à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut jouer le mode tanking, le mode jeunesse, pour viser un victor, hein? Il y a des gens qui ont en rêve. Il y a des gens qui font des montages. Ou est-ce qu'au contraire, il faut plutôt aller chercher un Jake Roder, qui est plutôt un vétéran, qui va venir prendre des minutes à des jeunes pour être dans une optique plutôt win now, pour essayer d'accrocher un spot en play-in, play-off. On est en match 16. On est en match 16 ou 17. Je pense qu'on pourra vraiment tirer un vrai bilan au match 25. Quand tu seras au quart, de la saison environ. Ouais, je dirais même à mi-saison, Mais après, je suis d'accord avec toi. Cette équipe, comment elle est bâtie, je sais pas. C'est pas une équipe pour moi qui est bâtie pour le long terme. On a que du role player là-dedans. Il nous manque une star pour vraiment franchir un step. Mais une vraie star, pas une star sur une année, pas un mec qu'on pense qu'il serait une star, mais qui finalement, en fait, serait un rôle de troisième couteau, quatrième couteau dans une grosse équipe. Une vraie star, d'aller chercher un vrai mec. Alors, est-ce que ça passe par la draft? La preuve est, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir, hein, des stars par la draft. On n'arrive pas à en sortir. On en a sorti une, hein, Il s'appelle Patrick Ewing. Donc, mais après derrière, est-ce que par la draft on va le chercher? Est-ce qu'on va le chercher en trade? On a du mec. Tu vois, au début, cet été, j'étais très, comment dire, oui, pour ça, RG pour Donovan Mitchell et machin. Mais comme on dit, il y a que les C qui, il y a que les qui ne changent pas d'avis. Et finalement, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, en effet, parce qu'on se retrouve avec une équipe full role player, et on a personne pour, on a personne qui. RG, moi, j'espérais vraiment qu'à cette année 4, il step, quoi. Qui passe un cap. Ouais, j'espérais. Là, on est au match 16-17. On est toujours dans les mêmes débuts de saison, dans les mêmes trucs. Et c'est pas lui qui nous fait gagner les matchs. Sur les derniers meilleurs scores. Ben c'est de toute façon tu regardes C'est hein, Brunson, c'est Brunson ou Julius. Barrett a été deux fois a été donc a été deux fois meilleur scoreur. Après c'est du Julius et c'est du Brunson. Voilà. Donc bon on a une équipe qui est-ce qu'on la fait exploser maintenant? Est-ce qu'on attend? Mais moi je pense que cette équipe a aucun avenir. On a des joueurs très attachants, on les aime tous, on les aime tous beaucoup. Mais c'est pour faire quoi? C'est tu bâtis pour faire juste des playoffs? Normalement, tu fais du play-in, du play-off, il y a une suite logique pour après aller chercher le titre, quoi. Il y a une progression à avoir. Et est-ce que notre progression, c'est juste faire les play-offs? On a beaucoup de gens qui peuvent être interchangeables. On a un Naitou qui peut être interchangeable. On a un profil d'Eric Cross qui peut être interchangeable. Un Evan qui peut être interchangeable. Et un RG qui peut être interchangeable. Et donc, ben voilà, quoi. Je pense il nous faut, si on veut espérer plus, et si on veut taquiner les gros bras de la conférence Est, il nous faut une star qu'on n'a pas. Et bâtir autour. Et On n'y cette est star, pas on n'a pas. encore. On n'y est pas encore. Est-ce que ça passera par la draft? Est-ce que ça passera par de la free agency, par du trade? Il y a plusieurs façons d'essayer de consolider une équipe. En tout cas, voilà. Ceux qui rêvent de Victor, je pense qu'il peut, sous un maillot des Knicks, je pense qu'il peut rêver encore un petit moment. Ou il y aura NBA 2K pour ça. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on lit souvent de avec cette équipe, on joue rien. Oui, en même temps, on ne visait pas le titre. Hein, on n'est pas Non, classé bien dans les sûr. contenders. L'objectif pour moi, il reste le même, c'est d'accrocher, de devenir une équipe de playoff. Playoff, même en plaçant par le play-in, parce que c'est les nouvelles règles et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est de redevenir sérieux sur la longueur, sur le temps. Et puis, effectivement, il y a un moment, il nous faudra le joueur. Et aujourd'hui, le joueur, bah, on ne l'a pas. Même si on s'est renforcé au poste 1, c'est très bien. Ça peut pas. Voilà, Jalen Toi, tu ne Brunson, vois c'est quel pas avenir, le quoi. joueur. C'est pas le joueur. Toi, tu vois quel avenir à cette équipe. Oh, il va falloir faire des ajustements et de vrais ajustements et on a encore beaucoup d'assets. Mais je pense que ça va pas être pour aujourd'hui qu'on va développer ce sujet. Mais oui, il va falloir, ne serait-ce que cette saison, faire des choix. On sait Evan, on sait que Derrick Rose, parmi nos petits jeunes en sortie de banc, Obi, IQ. Il va peut-être falloir en sacrifier pour essayer de récupérer une pièce et on va dire sécuriser cette saison sur un range de 7 à 7 à 10 quoi. 7 à 10. Si les Knicks ne font pas les playoffs, même n'accrochent pas le play-in, ça sera un échec cette saison. Si on accroche le play-in, après voilà, il faudra être compétitif en play-in et voilà. En tout Tu cas, gardes c'est. ton 5 et tu rajoutes un meneur, et tu rajoutes un En, meneur. il est très rare qu'en cours de saison, un changement fasse basculer une équipe Non. d'une classe à une autre. Hein. Clairement. Donc voilà, Non, après parce on que je parle veux. du Non. coach aussi, c'est pareil, le déclic du coach qui va révolutionner le jeu des joueurs, j'y crois pas, pas en cours de saison. Donc non, il va falloir faire des moves parce qu'il y a des moves à faire. On sait que Léon Rose, il attend pas le dernier moment, il attend pas la trade deadline pour les faire. Et puis il va falloir que les joueurs aussi se responsabilisent parce que voilà, le manque de régularité, ça vient d'eux avant tout, quoi. Ça vient Non d'eux mais avant je tout. pense que je pense qu'en coulisses il y a des coups de fil qui passent quoi je pense. Je pense que Oui, ça oui, se oui. Et parce qu'on après sait que les Knicks sont toujours à alerte, à l'affût. Donc. mais après après t'as raison si on fait pas les play-in minima play-in comme je te disais quand tu gardes ton 5 là tu finis 11e quand tu gardes ton 5 et que tu rajoutes un bon alors c'est pas un meneur élite mais un super meneur tu es en droit de te dire qu'il va y avoir une marche qui va être franchie.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└př└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ Une autre franchise. Après, attention, voilà. hein, la conférence est compétitive. Il y a des Ouais. équipes qui sont dans le rétro alors qu'elles avaient fait une belle saison la Oui, saison mais c'est dernière. ce qui Je est pense à au important. Miami Heat, je pense à au Chicago Bulls. Donc voilà, ne tirons pas des conclusions au bout de 16 matchs. On a quand même un échantillon relativement conséquent pour pouvoir avoir déjà des premiers enseignements. Mais il peut se passer encore beaucoup de choses, donc on verra. On verra. En tout cas, il se passe beaucoup de choses, et il se passe beaucoup de choses aussi sur KNFTV, parce que voilà, les matchs vont, l'actualité, on la débrief, mais on vous sort aussi des contenus un petit peu hors du temps par moment, hors du temps, mais pas pour autant en dehors de la qualité, et enfin, du moins, on espère. Et on vous a sorti le troisième épisode, l'épisode numéro 3, la marque aux trois bandes, c'est Adidas, et c'est Derrick Rose qui a fait l'honneur du dernier épisode de New York Kicks. Et oui, parce qu'on aime bien la sape, on aime bien les chaussures, et on a parlé de la carrière de Derrick Rose chez Adidas, avec une bonne rétrospective. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, bah, il est toujours dispo, c'est gratuit, donc profitez-en. Si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, Melo et Patrick Ewing, voilà, comme ça on est un peu dans différentes marques, différents types de joueurs, et ben n'hésitez pas à les revoir. C'est toujours des petits contenus qui permettent un petit peu de prendre l'univers Knicks sous d'autres angles, d'autres regards. En tout cas, on a fait une bonne émission encore, mon ami Seb, pour ce lundi. On va vous souhaiter une bonne semaine. Il y a encore beaucoup de Ouais. choses à voir, à débriefer, qui nous attendent pour la semaine prochaine. Et puis, bah voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et bah, let's go Knicks, hein. Il n'y a que ça à dire. À très bientôt. Allez, Bonne salut semaine les à tous et à amis. toutes. Salut, salut. À très bientôt. Et on se donne rendez-vous très vite sur KNFTV. Ciao, ciao! Thank you.